vous avez bien révisé, machallah. Donc il peut arriver hein, que je vous dis on sort tous une feuille et puis je pose des questions. Mais t'as reçu les feuilles là de Bekran, là, tu l'as reçu Yassine? Tu viens de les avoir, subhanallah. De toute façon je vais en redonner parce que vous vous en souvenez, il y avait une question à Taïdri ces derniers mois là. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. عليكم السلام أخي إدريس. Donc on a fait la description de la salat. On avait vu les piliers de la prière, d'accord, arkan salat. On avait vu les conditions de la prière. On avait fait aussi les descriptions des ablutions. Donc on avait vu la différence entre la condition et le pilier. Idriss, différence entre la condition et le pilier. La condition est préalable à l'acte d'adoration. Tandis que le pilier. Idriss, tandis que le pilier. Ouais. Ça va me dire, mec. Le pilier est. C'est dans les cinq piliers, c'est ça? Non, non, un pilier d'un. Un acte d'adoration a des conditions et des piliers. Oui. Vous avez vu, la condition, c'est ce qui est préalable à l'acte d'adoration. Je n'étais pas là pour ça. D'accord. Tandis que le pilier est partie intégrante de l'acte d'adoration. D'accord. S'il y a un des deux qui manque, dans les deux cas, l'acte est invalide. Donc ça veut dire que s'il manque un pilier, et la personne, elle a oublié de faire ce pilier-là, et le temps est passé entre le temps du teslim, il y a eu un temps assez long, hein. Eh bien, il doit, par rapport à la prière, par exemple, eh bien, il doit la recommencer. D'accord ? Ça, mais pas hésite, pas hésite. Ouais. D'ailleurs, Yassine, tiens, prends celle-là. Parce que celle-là, il y a une modification à la fin. Donc, il y avait une. Tiens, Idriss. Donc il y avait une question que tu avais posée, Idriss, t'en souviens, la semaine dernière. Mais ça, on va le voir d'ailleurs sur les questions-réponses autour des prosternations de la distraction. Mais c'est, je ne sais plus qui c'est. Tu n'étais pas là, Giovanni, t'étais pas là. Non, non. Je crois que c'était Idriss aussi qui avait posé la question sur le fait que, vous vous en souvenez, on avait vu, il y a 14 piliers dans la prière, on avait vu. Et puis en fonction de la feuille que vous avez, et puis en fonction de ce que j'avais dans le livre, il y en avait certains qui n'étaient pas dans l'un et qui n'étaient pas dans l'autre. Mais en fait, j'ai revu ça. Alors attends, j'ai donné. Vous voyez à la fin là. Voilà, c'est cette partie là. Donc, en fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai remis. Les piliers de la prière, vous voyez, on avait vu, donc il y en a 14. Et j'étais en train de voir en fonction de ce qu'on avait dans le livre, d'accord ? Donc en fait, qu'est-ce qu'on a en fait dans. Parce que ça, c'est dans l'ouvrage de l'imam Ibn Baz, rahimahullah, lorsqu'il disait qu'il y en avait au nombre de 14, il disait se tenir debout pour celui qui en a la capacité. Et ça, c'était le deuxième point dans le livre. Le premier, c'est Takbirat al-Ihram, que vous avez en deuxième ici. Réciter le Fatiha. L'inclinaison au quoi? Anas. L'inclinaison, donc le recours. Donc c'est pour ça en fait, je les ai remis en fait dans l'ordre, à la fin là, d'accord? Parce que qu'est-ce qu'on s'en rend compte? On s'en rend compte que s'asseoir pour le réciter, vous savez le tashahhud. Donc ça, c'est déjà inclus dans un autre pilier qu'on a. C'est pour ça que, d'accord ? Et en fait, à la différence de ce qu'il y avait dans le livre, c'est que la tranquillité dans l'accomplissement de l'inclinaison, il est seul, d'accord ? Vous avez la tranquillité dans l'accomplissement du redressement de l'inclinaison. C'est-à-dire quand tu t'es redressé, tu dois avoir un temps de... ne pas te précipiter directement. Il y a aussi la tranquillité dans l'accomplissement de la prosternation. Alors que là, c'est rajouté en fait, si vous lisez, la tranquillité dans l'accomplissement de chacun de ces actes. D'accord ? Mais si tu comptes, on en arrive à 14 dans les deux cas. D'accord ? C'est juste que ceux que j'ai pas numérotés, donc ça arrive à 14. Hein. L'ordre entre les piliers, le redressement après la prosternation, s'asseoir pour le réciter, d'accord ? Donc tout ça, on en arrive à 14, et là aussi, on en arrive à 14. Donc là, je vous dirais, ben, vous prendrez, là, inchallah, les 14 que j'ai mis dans l'ordre, là, à la fin. Là. Donc le takbira d'ouverture, dire Allahu Akbar. Deuxième pilier, se tenir debout pour celui qui en a la capacité. Troisième, réciter surat al-Fatiha. Quatrième, l'inclinaison. Cinquième, la tranquillité dans l'accomplissement de l'inclinaison. Sixième, le redressement après l'inclinaison. Septième, la tranquillité dans l'accomplissement du redressement de l'inclinaison. Huitième, la prosternation sur sept membres qu'on avait décrit dans le hadith. Neuvième, la tranquillité dans l'accomplissement de la prosternation. C'est-à-dire que celui qui fait à peine il touche, comme ça il se relève, invalide la salate. D'accord ? Il faut s'assurer que le nez et le front touchent et on est apaisé. Et subhanallah, au contraire, on doit profiter de, surtout si on prie tout seul, yani, que ce soit des prières surrogatoires, on augmente le nombre de doigts. Alors, parfois, tu es limité en nombre de doigts lorsque tu pries derrière un imam, parce que parfois c'est un peu, tu vois. Non, c'est ça. Donc, la tranquillité dans l'accomplissement de la prosternation, le redressement après la prosternation, c'est-à-dire on se redresse de la prosternation, et on est en position assise. Donc, s'asseoir entre les deux prosternations. D'accord ? Et cette assise-là, entre les deux prosternations, c'est rapporté par certains pieux prédécesseurs que parfois, elle était longue. Elle pouvait être très longue. C'est-à-dire, c'est juste entre les deux prosternations. Hein. Et il restait très long. Tu vois, ça pouvait être long. Hein. Donc, c'est pas long. La tranquillité dans l'accomplissement de l'assise entre les deux prosternations, ça veut dire que c'est pour ça que, vous voyez, lorsque tu te relèves du soujoud, donc tu as le dos. Pourquoi c'est le redressement après la prosternation? Parce qu'on vous en souvenez dans le hadith, celui dont son dos n'est pas droit. C'est-à-dire que si tu te mets comme ça, tu vois, il y en a alors que... Quand tu es debout, tu dois avoir le dos droit. Et quand tu te relèves du soujoud, tu dois aussi avoir le dos droit. Non. Donc c'est-à-dire que tu dois être comme ça. C'est-à-dire que tu es comme ça, et donc tu te relèves, et tu as le dos droit. D'accord ? Et pas comme ça. Donc, le fait d'avoir le dos droit, on se rappelle que il faut avoir le dos droit lors du recours, l'inclinaison. C'est-à-dire que vous avez cette image-là, c'est-à-dire que si on verse de l'eau reste stable sur votre dos. Et c'est de même lorsque vous vous levez du recours. Le dos doit être droit. Et c'est de même lorsqu'on se redresse de la prosternation, le dos doit être droit. Et lorsque, subhanallah, et lorsque on s'applique à faire ces points-là, à appliquer correctement ces piliers-là, tu sens une sekina, tu vois, une tranquillité. Tu vois, tu sens une tranquillité dans cet acte d'adoration que tu fais, subhanallah. Tu vois, et ce n'est pas juste... Parce que tu sais même plus ce que tu as récité, et puis tu es en train de réciter, en train de penser à quelque chose, tu vois ce que je veux dire. Donc, Naam, si tu le fais, si tu appliques vraiment correctement les piliers, yani, tu recherches ce khushu'a-là que tu essaies d'avoir. Subhanallah. Yani, tu vois, si on compte le nombre de fois qu'on a pu avoir ce khushu'a-là, Allah musta'an. Donc, s'asseoir entre les deux prosternations, la tranquillité dans l'accomplissement de l'assise entre les deux prosternations, le dernier tashahhud. Le dernier tashahhud fait partie des piliers. D'accord ? Donc, quelle est la différence ? Parce qu'on avait vu, ce qu'on va voir tout de suite, dans les obligations de la prière, d'accord ? Parmi les obligations de la prière, il y a le premier tashahhud. On avait vu que le premier tashahhud fait partie des obligations, tandis que le dernier tashahhud fait partie des piliers. D'accord ? Donc, quelle est la différence entre un pilier et une obligation ? Un pilier, c'est si on l'oublie, on doit le refaire. Exactement. Et une obligation, on ne refait pas, on fait juste les deux sajda. Oui, mais il y a... Barakallahu fik, voilà, c'est ça. Entre un pilier et une obligation, c'est-à-dire que le pilier, s'il y a un pilier de la prière qui est oublié, tu es obligé de refaire ce pilier. Tandis que si tu oublies, par exemple, le premier tashahhud, c'est dans l'obligation. Par exemple, tu as oublié de faire le premier tashahhud. Tu t'es relevé et tu as oublié de faire le premier tashahhud. T'as pas à redescendre pour le faire, d'accord ? Tu continues ta prière. Et ça, c'est un oubli, et on va le voir dans les... Tu feras deux prosternations de distraction avant de faire le teslim, parce que c'est un oubli. D'accord ? Tandis que si c'est un pilier, par exemple, je me suis mis debout, j'ai fait une raka, d'accord ? Je me relève pour la deuxième raka. Mais subhanallah, j'ai enchaîné sur une sourate sans faire la fatiha. Et je m'en suis rendu compte lorsque j'étais en recours. Je me suis dit, mais voilà, ou bien lorsque j'étais sur le tashahhud, je me suis rendu compte que... Donc qu'est-ce que je fais ? Je me relève. Akhir marra. Anas, t'aou ta'am l'hass, akhir marra t'atrawah, t'afhem ? Donc... Si je me suis relevé, subhanallah. Yani, j'étais en tashahhud, qu'est-ce que je fais ? Et je me suis rappelé que j'ai oublié la fatiha, donc je me relève directement. Je compte pas celle que je viens de faire. C'est un acte obligatoire ? Parce que c'est un pilier. C'est un pilier. On va dire un pilier. Oui, c'est une obligation. Mais pourquoi mélanger entre le terme obligation et pilier, tu vois ? C'est obligatoire à la salat. Non. C'était un pilier ou c'était une condition ? Les 14, c'est les piliers ou c'est des conditions ? C'est les piliers, ça. C'est des piliers. Conditions, c'est préalable à l'acte. Enfin, je veux dire, il y a des piliers aussi, il y a des obligations. Il y a des obligations, voilà. Et il y a des piliers. Non. Et du coup, les 14, c'est des obligations ou c'est des piliers ? Là, les 14, ce sont les piliers, d'accord ? Les obligations, c'est ce qui sont au nombre de 8, c'est ce qu'on va voir maintenant, inchallah. Donc, on a oublié le premier tashahhud, ou on a oublié la fatiha. Donc, on a oublié la fatiha. Donc là, on a raté un pilier. On est obligé de recommencer le pilier, dès le départ. Hein. On se relève et on récite la fatiha. On fait comme si que celle-là, on ne l'avait pas fait. Mais sachant qu'on avait rajouté ça, donc on termine notre salette, on fait le teslim et on fait deux prosternations et on refait le teslim. D'accord ? Tandis que le premier tashahhud, si on l'a oublié, on continue notre prière et avant de faire le teslim, on fait deux prosternations, il y a deux distractions et ensuite on fait le teslim. Non. Ça c'est pour la fatiha, donc on est obligé de reprendre le début, mais par exemple si c'est pour le redressement après le recours. Ouais. Si on s'en va, si on fait un recours, c'est bizarre, mais on fait un recours et directement on va en prosternation. Ouais. Et on se rend compte qu'on n'a pas fait le redressement après le recours. Est-ce qu'on reprend toute la Ouais, tu dois reprendre. Tu dois reprendre. Ou bien on repart juste. On fait juste le redressement après on descend. Tu reprends toute la raka. Ouais, parce que. On déguise un pilier dans la raka qui est parfait, on reprend toute la raka. Non. Une inclinaison, deux prosternations. D'accord. Les deux prosternations, c'est des piliers. Ou une seule des prosternations est un pilier. Non, la prosternation, c'est un pilier. Donc la prosternation, toutes les prosternations, si on dit la prosternation, c'est toute prosternation que tu fais dans la salate. Et on ne parle pas là de les prosternations de distraction. Là, on parle de la salate normale. D'accord ? Eh bien, la prosternation, c'est un pilier de la prière. Parce qu'on doit se mettre sur les sept hausses. D'accord ? Donc. Et du coup. La différence, on avait vu, entre obligation et pilier. Pilier obligé de le refaire. Et l'obligation, eh bien, on n'est pas obligé de le refaire, mais on termine notre salette et ensuite on le. Sauf si par exemple, tu es encore, tu sais, dans la position encore assise. Tu t'es pas encore relevé. Tu allais te relever, mais tu viens de t'en rappeler que tu n'as pas fait le tashahhud, donc tu fais le tashahhud. Tant que tu t'es pas encore relevé, tu fais le tashahhud, tu n'as rien à rajouter après. D'accord ? Tu n'as rien à rajouter en termes de consommation de distraction. Non, mais et du coup, l'ordre dans les piliers, c'est pas un pilier ? L'ordre des piliers. Oui, j'ai vu que c'était mis dedans l'ordre dans les piliers. Ça rejoint le cours qu'on avait fait sur la concrétisation du suivi du prophète Hassem, c'est-à-dire que l'ordre, bon, il l'a mis, donc et comme il n'y était pas dans le livre, et l'imam d'une base, il l'a mis, donc on va le mettre dans le pilier. Parce que là, ce qu'il y a, c'est qu'on peut rajouter les autres tranquillités ensemble, tu vois, et que ça fait un pilier. Donc, effectivement, donc on garde l'ordre entre les piliers, d'accord ? L'ordre entre les piliers. C'est-à-dire que c'est comme l'odou, d'accord ? L'odou, qui est en lui-même un acte d'adoration, eh bien, si tu commences par les pieds, et ensuite par la tête, et ensuite tes ablutions, elles sont invalides. Et du coup, ce sont des piliers, du coup. Naam. Bah, l'ordre, naam, parce que pour cet acte d'adoration-là, d'accord. Pour l'acte d'adoration de la prière, c'est tu commences par la fatiha, et ensuite tu fais le surat, et ensuite tu fais le rukou. Là, on avait vu les piliers, d'accord. Donc on le garde, ça, l'ordre entre les piliers, d'accord, et on remettra tous ensemble. Voilà, que l'ofikum, la tranquillité dans l'accomplissement. Donc soit vous prenez celle-là, les 14 là, ou les 14 qui sont là. D'accord ? Les 14 qui sont là. Et même, d'ailleurs, je vous conseillerais même de prendre les 14 qui sont du livre de l'imam Ibn Baz, rahimahullah. D'accord ? Comme ça coupe court à tout, parce qu'il y a... C'est bien mentionné sur l'ordre des piliers. Alors, les obligations de la prière. Les obligations de la prière, elles sont au nombre... De 8. Ah oui, Vous avez donc tous les takbirs sauf celui d'ouverture. Pourquoi sauf celui d'ouverture ? Dire Sami Allah liman hamida. Ah oui, je connais. Anas, achouldi. Toutes les takbirs sauf celui d'ouverture. Parce qu'on avait dit celui d'ouverture, c'est un pilier. Dire Sami Allah liman hamida. Donc c'est une obligation. Pour l'imam et celui qui prie seul. Donc celui qui est derrière l'imam, qu'est-ce qu'il dit ? Barakallahu fik. Il dit Rabbana wa lakal hamd. D'accord ? L'imam aussi doit dire Rabbana wa lakal hamd. Donc celui qui prie, donc il est derrière l'imam. L'imam dit Sami Allah liman hamida. On se relève, on dit Rabbana wa lakal hamd. C'est l'imam qui le dit. Ça, c'est lorsque tu pries derrière l'imam. L'imam, il dit Sami Allah liman hamida. Toi, tu dis pas ça, tu dis Rabbana wa lakal hamd. Lorsque tu pries tout seul une prière surérogatoire, parce qu'on avait dit, hein, l'obligatoire, c'est à la mosquée dans le groupe. D'accord ? Mais si tu es, je sais pas, moi, tu as des conditions, ou est-ce que, je sais pas, tu étais en déplacement, travail, et tu priais ta salette. Donc tu dis Sami Allah liman hamida Rabbana lakal hamd. D'accord ? Lorsque tu pries tout seul et l'imam dit Sami Allah liman hamida. C'est bien fait parce que ceux qui sont derrière, ils répondent à ce que l'imam vient de dire par rapport au sens de ce qu'il dit. Voilà, Rabbana lakal hamd. Hamdan kathiran, tayyiban, barakan fi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc prie avec les sahaba et donc. Un sahabi donc avait dit Rabbana wa lakal hamd hamdan kathiran tayyiban barakan fi. Une fois que la salat est terminée, il leur a dit qui a prononcé cela. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc avait vu les anges qui se concurrencer qui c'est qui va écrire cette bonne œuvre là. Subhanallah. Donc vous voyez, barakallahu fikum, rabbana wa lakal hamd. Ceux qui disent wa shukr, comme on l'entend, rabbana wa lakal hamd wa shukr. Je sais pas si vous avez sûrement dû l'entendre ça. Rabbana wa lakal hamd. Rabbana, non, sami'a Allah liman hamida, rabbana wa lakal hamd wa shukr. Donc je sais pas où est-ce qu'ils l'ont ramené ça, wa shukr. Donc il faut éviter de ramener des choses comme ça de sa poche dans la religion, puisque tout est légiféré. Donc on dit Rabbana wa lakal hamd, ou on dit Rabbana wa lakal hamd, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fi, tout ce qui est rapporté authentiquement. Maintenant, celui qui veut faire quelque chose, eh bien, il faut qu'il rapporte sa preuve, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque fait une œuvre qui ne provient pas de notre ordre se verra rejeté. Sahih Muslim, rapporté par Aisha radhiyallahu anha. Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. Donc, le quatrième des obligations, dire Subhan Rabbil Azim lorsqu'on est en recours, en inclinaison. Le cinquième, dire Subhan Rabbil A'la lorsqu'on est en prosternation. Le sixième, dire Rabbi Ghfirli entre les deux prosternations. Ça veut dire que lorsqu'on est en position assise entre les deux prosternations, on se rappelle, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait exactement? Barakallahu fik. Ça, c'est la sunna. On avait vu des hadiths sur cela. Donc, on a le pied comme ça. On est sur le assis sur le gauche. Et entre les deux prosternations, d'accord? On lève l'index droit et on dit Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli. D'accord? Bien. Ou bien on dit ou bien on dit soit Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli, ou bien Allahumma ghfirli, arhamni, wajburni, warzuqni, wahdini. D'accord? Et on retient Rabbi ghfirli, d'accord? Comme c'est ça. C'est un hadith qu'on va. Mais oui, on l'avait vu ça. On l'avait vu même dans le détail, Bekran, subhanallah, avec la parole de Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymeen. Barakallahu fi kessin. C'était le hadith de Ibn Omar radiallahu anhu qui avait dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait son index à chaque fois qu'il était en position assise. Barakallahu fi. Dans une autre narration, lorsque il faisait le tashahhud. Et on avait vu que le fait que ce soit précis lors du tashahhud n'invalide pas ce qui est général. L'exemple qu'on avait dit, c'est qu'un homme dit à quelqu'un, eh bien, honore tous les étudiants en sciences, d'accord? Et puis il dit honore Yassine. Donc le fait qu'il dit honore Yassine, ça ne va pas dire que eh bien, il ne va plus honorer les autres, d'accord? Donc l'un n'invalide pas l'autre. Par contre, s'il dit honore tous les étudiants en sciences, mais n'honore pas celui qui dort pendant les cours. Donc là, celui qui dort pendant les cours ne sera pas honoré. D'accord? Le premier tashahhud, c'est une obligation. Donc, le premier tashahhud, comme on dit, At-tahiyyatu lillah, As-salawatu at-tayyibat, As-salamu alayka ayyuha an-nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, As-salamu alayna wa ala ibadillah as-salihin, wa ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Moi j'avais vu une version quand j'ai appris, c'était atayyatu lillah, zakiyatu lillah, tayyibatu salam. Donc cette version là, barakallahu fik, c'est une version qui est rapportée sur Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Donc il y a diverses versions sur cela. Moi ce que je vous ai rapporté, d'accord, il y a d'autres versions, d'accord, celles qui sont rapportées sur Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Donc moi à chaque fois je vous rapportais celle qui était le plus authentique, d'accord, Bukhari Muslim. Ensuite il y a d'autres versions, mais maintenant si on s'engage à dire telle version, on doit s'assurer qu'elle est authentique, d'accord. Si elle ne l'est pas, on ne peut pas l'utiliser. Et si on ne sait pas, on ne fait pas, mais on se renseigne d'avoir la version authentique, d'accord. Parce que tu vois, si on aurait fait un cours de fiqh poussé, là on aurait pu voir tout dans le détail, ceci, parce qu'après on aurait pu passer je sais pas combien de cours et de cours pour voir comment l'index, la façon, est-ce qu'on commence à bouger à partir de quand, telle école a dit ça, telle école a dit ça, telle école a dit ça. Allez, on va, d'accord ? Donc d'ailleurs pour l'index, lorsqu'on fait le tashahhud, on pointe en direction de la Qibla, parce que tous les membres doivent être en direction de la Qibla, d'accord ? Et on dit Tahiyyatu lillahi salawatu tayyibat, donc on regarde, hein. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد je fais un léger mouvement vers le haut, je fais pas un grand mouvement, je fais vraiment un léger mouvement de haut en bas. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. D'accord. S'asseoir pour le réciter, donc ça, d'accord, c'est inclus dans. D'ailleurs, s'asseoir pour le réciter, oui. Donc ça, c'est tu dois être assis pour le réciter. J'ai une question. Non. La deuxième sourate qu'on récite, la sourate qu'on récite après la Fatiha, il rentre dans quelque chose. Il n'y avait pas ni dans les... Ça, ça fait partie des sunan. D'accord. Ça fait partie des sunan, naam. C'est-à-dire que toi, ce qui est obligatoire, c'est la Fatiha. Donc si tu ne récites pas après la Fatiha, donc ta salat elle est valide, d'accord. C'est comme le fait, on avait dit, de poser la main droite sur la main gauche sur la poitrine, ça fait partie des sunan aussi. C'est-à-dire que celui qui les pose pas, sa salat est toujours valide, d'accord. Sa salat est toujours valide. Celui qui veut comme ça prier comme ça, cependant celui qui prie les bras le long du corps, il ne tient sur aucune preuve, d'accord. On ne dit pas à quelqu'un qui prie comme ça que sa salat est valide. Ce qui est rapporté sur la sunna, c'est de placer sa main droite sur la main gauche sur la poitrine. D'accord ? Ça, c'est ce qui est sur la sunna. Donc maintenant, si quelqu'un... Bah, tout dépend, vous voyez, parce que les actes ne valent que par leur intention. Si quelqu'un pense que c'est mieux de prier comme ça, le bras le long du corps, d'accord ? Et que c'est mieux que de poser comme ça, là, il doit ramener une preuve. D'accord ? Mais il n'y a pas de preuve. Il n'y a ni de hadith authentique, ni faible, ni inventé sur le fait de laisser les bras. Il y a des gens qui disent que prier les bras le long du corps, ça fait du madhab maliki. Je ne sais pas, moi, dans le madhab maliki, c'est le livre de Muwatta. Les deux hadiths sont sahih. C'est d'ailleurs le titre du chapitre, ça s'appelle Bab wada al-yad al-yumna ala dira'i al-yusra fi salat. Chapitre de poser la main droite sur le bras gauche durant la prière. Ça, c'est le chapitre dans le Muwatta de l'imam Malik. Et je ne connais pas d'autres livres de l'imam Malik à part le Muwatta. Mais le chir, ça c'est ce qui a été rapporté sur le fait que, eh bien, il aurait émis une fatwa et puis le gouverneur l'aurait châtié sur ses bras, et donc il ne pouvait plus, afin qu'il arrête d'écrire, et donc il ne pouvait plus lever ses bras. Il ne pouvait plus lever ses bras. Donc ceux qui peuvent lever leurs bras, on leur dit, t'as été châtié sur tes bras ou qu'est-ce qui t'est passé? Donc on veut savoir exactement. Alors se tenir à cela, c'est Ibn al-Qasim, en plus un élève de Malik, rahimahullah, qui rapporte, qui rapporte cela. Donc ceux qui disent qu'ils sont malikis, en toute vérité, ils sont qasimites, on va dire, parce qu'ils se tiennent sur la parole d'Ibn al-Qasim et non sur la parole de l'imam Malik. Et même cet élève, il n'a pas dit qu'il voit pas comme ça, il a juste rapporté. Un état qu'il a vu lorsque, une fois qu'il a été, et les gens ils sont. Ça y est. C'est vrai, puis si une personne par exemple de toi, elle paralyse du bras, elle ne peut pas le bouger. C'est... Bah, tu ne vas pas lui dire, bah oui, bah tiens, regarde, tu vois. Ou bien si par exemple quelqu'un, je ne sais pas moi, a eu un problème au niveau du genou et puis un plâtre, et il ne peut pas prier debout, et il est assis, on va lui dire, bah maintenant moi je vais faire que prier assis parce que lui, je l'ai vu, il avait un plâtre. Voilà, donc il faut qu'on craigne Allah Azza wa Jal comme il se doit. Non, vous voyez, subhanallah, on se tient. Qu'est-ce qu'avait dit l'imam Malik, rahimallah ? Ma voix, c'est le hadith authentique. C'est ça, mon son madhab, c'est le hadith authentique. J'ai une autre question. Ouais. Est-ce qu'il y a Ça, c'est tiré des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord ? Parce que par exemple, dans la science du hadith, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne une chose, voilà, il y a un ordre dans ce qu'il dit. Et beaucoup, beaucoup de ces points-là sont tirés notamment du hadith de celui qui a fait de façon mauvaise sa prière. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu fais comme cela. Et tu fais comme cela pendant toute ta salette. Et tu te dois de te faire comme ça. Et tu te dois parce qu'il a dit quoi à la fin ? Il lui a dit que si, yani, retourne et prie car tu n'as pas prié d'une part. Et lorsqu'il est parti, il a dit s'il serait resté sur ce qu'il était, il serait entré en enfer. Alors qu'il faisait une salette, mais qui n'était pas correcte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit retourne et prie car tu n'as pas prié. D'accord ? Encore de la nette. Donc c'est en fait, ce sont les hadiths. C'est tiré ça des hadiths. C'est pas par exemple un savant il s'est dit bon alors comment je vais classer ça entre comme ça comme ça. C'est en tirant, ce sont les enseignements des hadiths, d'accord. Mais par exemple, il n'a pas lui-même classifié ça. Ça va être des conditions, ça va être des conditions. Non, non, ça c'est seulement pour simplifier à ceux qui viennent après, d'accord. C'est-à-dire comprendre que eh bien, le fait que tu mettes ta main droite sur la main gauche, sur la poitrine durant la prière, ça fait partie des sunan. D'accord ? Ça n'invalide pas ta prière si la personne ne fait pas comme cela. À l'époque, les sahaba, ils respectaient tout. Ils n'avaient pas... Voilà. Et les sahaba, vous voyez, vous savez très bien que le temps dans lequel on est et puis le temps des sahaba, Allah al-Musta'an, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit khayrun nas qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum. Les meilleurs des gens sont ceux de mon siècle, puis ceux qui les suivent, puis ceux qui les suivent. Les trois premières générations sont les meilleurs de cette communauté. Et vous connaissez le hadith qui est rapporté dans Sahih al-Bukhari concernant le hijab. Vous savez que le verset an Aisha, Aisha radhiyallahu anha rapporte que donc verset dans la nuit a été révélé pendant la nuit. اخر مره ناس تنقل نقول اخر مره يا اخي حتىكش انك بتريحه هاي الحديث دعاء عائشه رضي الله عنها a été révélé pendant la nuit. Toutes les femmes ont été averties pendant la nuit que le verset concernant l'obligation du hijab pour la femme a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et elle rapporte à Aïcha radiallahu anha que l'heure du Fajr est arrivée et toutes les femmes étaient couvertes. Toutes les femmes étaient couvertes. Donc, pas besoin de commencer à dire, vous voyez, attention, c'est obligation, c'est surrogatoire, c'est... Le verset est descendu, ça y est. Parce que la aqida est ferme et claire. Vous voyez ? Aujourd'hui, ici, on va commencer à parler, conseiller... Et eh bien voilà, Allah Azza wa Jalla dit donne pas les hadiths, donne-moi du Coran. Donne-moi du Coran. Est-ce que c'est écrit dans le Coran ? Est-ce que c'est écrit dans le Coran ? Tu lui dis, ça, subhanallah. Non, pas les hadiths, parce que bon, le Coran c'est mieux, c'est subhanallah. Tu commences à différencier ? Ou bien je suis pas convaincu. Même dès que tu leur apportes les versets, je suis pas convaincu. Donc, tout ce, vous voyez les livres de fiqh, les livres de hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord ? C'est-à-dire tous les qui regroupent les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord ? Ça, c'est un moyen pour faciliter à la communauté. Et contrairement à ce que certains égarés essaient de faire croire à la communauté, mais les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam commençaient à être écrits durant son vivant. Durant son vivant. Et il avait ordonné à un sahabi, il avait permis à un sahabi de le faire. D'accord ? Au tout départ, il ne l'avait pas autorisé pour pas qu'il le mélange avec le Qur'an. D'accord ? Puis, il l'a autorisé à un sahabi d'écrire les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puisque lorsque certains sont venus voir ce sahabi-là en lui disant « Mais écris-tu tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ?» Et donc, il est parti voir, je ne sais plus si c'était Abdullah ibn Omar, et donc il était parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit « Voilà, les gens m'ont un peu réprimandé sur le fait que j'écris tout ce que tu dis. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Écris par celui qui détient mon âme entre ses mains, tout ce qui sort d'ici, subhanallah, il ne parle pas sous l'effet de la passion, tout ce qu'il dit est une révélation d'Allah. D'accord ? Donc, barakallahu fik. Donc là, barakallahu fik, on a parlé de tout ça, mais c'est pour... C'est pour en fait, tu vois, toutes ces prières, les piliers de la prière, les obligations de la prière, c'est pour faciliter à la communauté, afin que la communauté comprend yani, plus aisément, eh bien, s'il te manque telle chose, tu dois rattraper telle chose. Et tout cela, c'est bâti, bien sûr, hein, c'est pris des hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, du Coran, de la Sunna. Vous voyez, on avait même utilisé des preuves du Coran et des preuves de la Sunna. On peut remplacer la parole. Non. Qui peut remplacer la parole, mais pas à son époque. Ah, non, parce que les hadiths, c'est la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui sont authentiques. Barakallahu fikum. Donc, alors, parmi les sunan, parce que j'avais pensé continuer sur cela, mais je voulais plutôt insister, en fait, sur tout ce qui était obligation, prière, d'accord. Et donc, parmi les sunan de la prière, il y a en effet sur le fait de la position des mains durant la prière, ça fait partie des sunan de la prière. Certains vont classifier parmi les sunan le fait de dire Subhan Rabbil Azim, d'accord, c'est ce que j'ai pu voir notamment. Ça fait partie, ce qui est recommandé à faire durant la prière. C'est recommandé à faire. Ça n'invalide pas la prière. Ça n'invalide pas la prière de celui qui ne prie pas avec quelque chose sur la tête, d'accord ? Elle n'est pas invalide. Donc elle ne l'invalide pas et elle ne l'oblige pas à faire de prosternation pour cela, d'accord ? Donc ça tombe dans les sunnans de la prière. Ça reste valide, d'accord ? Cependant, c'est recommandé, d'accord ? Les hadiths du prophète, ça ne parle pas, et notamment. Il y a certains hadiths, notamment, parce que vous voyez ici, lorsque vous lisez, c'est pour ça que je vous dis, je ne veux pas rentrer trop dans le détail, parce que sinon, ouais, c'est des cours de fiqh. On va commencer à voir avec toutes les écoles et parce que c'est, voilà. Par exemple, vous ne voyez pas ici que c'est écrit, parmi les obligations, la sutra. D'accord ? Par contre, dans d'autres livres, vous trouverez que c'est classé dans les obligations, vu la tournure du hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mentionné de prendre une sutra. D'accord ? Prendre une sutra pour la prière. Parce que qu'est-ce qui invalide en fait la prière lorsque tu n'as pas pris de sutra ? Lorsque tu n'as pas pris de sutra. Si une femme coupe sur ta prière elle est invalide. D'accord ? Et il y avait quoi encore ? Seulement une femme. Non, il n'y avait pas seulement une femme. Un animal aussi, il y avait un chien noir, d'accord, qui passe. Ah, oui. Donc lorsque le chien noir passe, et le chien noir a été, barakallahu fik, mentionné comme étant notamment le shaitan. C'est le chien avec les poils blancs, c'est ça, non ? Non, c'est le chien noir. Après, je ne vais pas entrer dans le détail parce que je ne sais pas sur ça. Et donc c'est juste, que ce soit un homme ou une femme, s'il prie, il a pas sa sutra. Si une femme coupe devant lui pendant qu'il est en train de prier, ou il priait dehors et un chien noir qui passe comme ça, la prière est invalide. Et c'est quoi la distance? Juste dans certains hadiths c'est mentionné la taille d'un mouton qui passe, tu vois ce que je veux dire, l'espace qu'il peut y avoir, mais tu te dis à peu près la taille de ton bras, d'accord, pour que même si quelqu'un passe tu peux l'en empêcher. S'il est au-dessus de cela, tu sais que environ toi ça fait la taille de ton bras pour la place que tu as pour le soujoud. Et si le chien il veut passer, tu peux te le devancer, tu sens que ça va passer, que tu avances, d'accord. Et si c'est un chien, pas tant. Je sais que les chats, ils sont furtifs. Hein. Des fois, dans la pièce, c'est... Ce qui est rapporté, c'est le chien noir. Et ce qui est rapporté, c'est la femme. D'accord ? C'est pas rapporté sur le... Par contre, il peut y avoir des bêtes, parce que tu sens qu'il va commencer à venir, et bien tu t'avances pour éviter. Voilà, tu t'avances pour éviter qu'il... Donc, le chien noir, d'accord ? Ou si une femme passe devant, d'accord ? Ça annule la salade, d'accord ? Si t'as pas de sejda. Tandis que, de sutra, pardon, si tu n'as pas de sutra, de ce qui... Et la sutra, on avait vu, il faut que ce soit quelque chose d'assez élevé. Ce n'est pas juste un livre, d'accord? Ou bien, il faut que ce soit... Non, mais ils mettent des mouchoirs, et je ne supporte pas ce... Il y a ni ces gens-là qui viennent la dernière fois vendredi, là, ça m'a énervé, ça. Il y en avait un à côté, il préparait un mouchoir dans sa main, il descendait en soujoud, et il mettait juste pour son front... Et au moment, tu sais, je voulais juste terminer l'estirfar pour lui parler, mais il s'est levé avant et il est parti avant. Je voulais lui dire si c'était un chiri, tu vois. Parce que ça m'énerve ce genre de truc. Et moi, je connais les chiris, ils font cela. Donc, il prend un mouchoir et puis au moment où il va en soujoud, il pose le mouchoir là devant lui, c'est le mouchoir en papier, pour qu'il fasse le soujoud dessus. Parce que les chiris, ils considèrent que nous, les musulmans, là, on est impurs. Et que là, où est-ce qu'on fait le soujoud, là, c'est impur. La seule pureté qu'ils ont, c'est Karbala. C'est pour ça qu'ils ont des pierres de Karbala. D'accord ? Et s'ils n'ont pas cette pierre-là de Karbala, ils s'autorisent à mettre un mouchoir. Tu vois ? Pour séparer. Ils considèrent que les hommes sont donc des pervers et que les femmes sont des prostituées. Parce qu'ils ont dit que si quelqu'un naît, ça c'est dans leur croyance, hein, si quelqu'un naît et il ne se convertit pas au chiisme, eh bien... Yani, le diable entre son doigt dans le derrière de ce garçon-là. Et il devient un pervers. Et si c'est une fille et qu'elle ne devient pas chiite, ça veut dire que... Ouais. Si elle ne devient pas chiite, ça veut dire que... Eh bien, il lui a rentré le doigt devant et donc c'est devenu une prostituée. Donc, ces gens-là... Mais ça, c'est... Écoute, dès que tu commences à lire leur livre, tu sais quoi? Tu te dis... A'oudou billah. C'est pour ça que je ne supporte pas les gens qui veulent faire les rapprochements entre les gens de la sunna et les chiites. Et qu'il n'y a pas de rapprochement à faire. Ces gens-là, ils ont leur din, leur religion. D'accord? Ils ont leur religion. Ils pensent, subhanallah, je lisais dans leur égarement, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient, le Coran que vous avez, d'accord? Le Coran de Fatima est 3 fois plus volumineux que le Coran que vous avez. Mais le Coran de Fatima ne contient pas une lettre du Coran que vous avez. C'est ce que ça veut dire, ça? Il n'est pas bon, le Coran. Ça veut dire qu'il n'y a rien de bon de la parole d'Allah. Le fait de rendre mécréants tous les sahabas, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus de sunna. Qui c'est qui nous a rapporté la religion? Ce sont les sahabas, les chaînes de transmission. Barakallahu fik. Donc en rendant mécréants tous les sahabas, excepté 3 ou excepté 7 chez certains, ça veut dire quoi? À chaque fois, ah bah oui, mais lui c'est un kefir. Donc plus de chaîne de transmission. Parce qu'un kefir, un mécréant, ne peut pas être dans une chaîne de transmission. Donc ça veut dire, il n'y a plus de sunna, il n'y a plus de Coran, il n'y a rien. D'accord? Et ils considèrent ces rawafel, d'accord? Ce sont les rawafel, les extrémistes chiites. Ils considèrent que la première chose que tu vas te faire questionner le jour de la résurrection, c'est sur l'allégeance que tu auras donnée à Ali. Subhanallah. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit... La première chose que tu seras questionné au jour de la résurrection, c'est sur la prière, comme on verra, inshallah, le cours de la semaine prochaine. Donc, barakallahu fikum. Donc, on était au 7e. Donc, on les avait vus, hein, dire à Rabbi Khfirli, le premier tachéad, et s'asseoir entre eux, et s'asseoir pour le réciter. Donc, il a dit que si la personne savait ce qui allait se passer quand s'il passait devant quelqu'un qui crie, non. Il s'arrêterait là-bas. Et celui-là, je l'ai dans le livre, je ne le mémorise pas, Allah al-Musta'an. C'est que, yani, il est, et en plus, la durée, il aurait été préférable pour lui d'attendre. Yani, et mais ce qu'il y a, c'est que la durée, elle n'est pas mentionnée. On ne sait pas si c'est en jour ou en mois ou en année. Il est préférable pour lui d'attendre que celui qui est en train de prier termine la prière, que de couper sa prière pour sortir. Il veut sortir de la mosquée, il y en a un qui est en train de prier, et il y en a un, ils veulent passer devant comme ça. Il dit, ça y est, j'ai terminé la prière, et puis, subhanallah. Parce qu'il pêche, celui qui passe devant comme ça. Et par rapport à la prière, à la validité de la prière de Soukhan, si la personne passe devant lui et ça sautera, ça n'invalide pas sa prière. Non, mais lui, si tu sens quelqu'un qui va, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, ce qui est mentionné dans le hadith, c'est que tu as mis ta sutra, tu es en train de prier, et si quelqu'un veut venir traverser comme ça, tu l'en empêches. Tu le repousses. S'il veut forcer, bien, jusqu'à que tu le mets derrière toi. Tu le pousses comme ça. Il a dit parce que lui, il vient avec son diable. Lui, il vient avec son... On va voir les choses maintenant pour terminer, Inch'Allah, aujourd'hui, parce qu'on a une petite partie à faire sur les questions-réponses autour des prosternations de distraction. Et on va voir notamment un point que tu avais souligné, Inch'Allah. Donc c'est sûr, ce qui est détestable à faire pendant la prière. Les actes détestables lors de la prière, ils sont au nombre de 4. Bouger la tête ou détourner son regard. Bouger la tête ou détourner son regard. Quant au fait de lever les yeux vers le ciel, c'est interdit, haram. D'accord. C'est haram de lever les yeux vers le ciel durant la prière. Il y en a, ils se relèvent du locours et ils se mettent à regarder en haut comme ça. Je dis, mais pourquoi tu fais ça? J'ai dit, l'imam m'a dit que c'est bon. Subhanallah. Donc bouger la tête ou détourner son regard. Détestable. Mais quant au fait de lever les yeux vers le ciel, c'est interdit durant la prière. Deuxième acte détestable, s'amuser et faire des gestes inutiles. Et là, il va commencer à se gratter ici. Et après, le shaitan, il va lui faire, il va se gratter ici. Et après, il va se gratter ici. Et après, il va se gratter. Si les gestes deviennent beaucoup plus nombreux, comme on va le voir par la suite, Inch'Allah, eh bien, ça annule la prière. Donc, oui, mais j'en avais vu même, ils passaient leur temps à craquer les orteils, là. Je sais pas comment ils font, là. Tu sais, ils sont debout, ils font crac, crac, crac, ils restent comme ça. Oui, et puis il y en a, ils font comme ça, ils sont tuc, tuc, et puis pendant la prière. Donc, s'amuser, faire des gestes inutiles. Troisième, porter des choses qui déconcentrent et qui attirent le regard, comme un objet lourd et coloré. Ou par exemple, il y en a, ils vont mettre des... Vous savez, un kamis avec de toutes les couleurs, orange, ou mettre quelque chose, je ne sais pas moi, qui va attirer le regard. Bleu et noir, c'est pas... Mais il y en avait durant les salles de Talawé, ils venaient avec, avec des choses. Ah, mais ça, c'est les tigénies, comme les tigénies, je sais pas quoi, qui viennent avec les jaunes rouges, ouais. Comme des clowns, ces gens-là. Là. Avec un truc comme ça. Non, mais je sais pas si vous les avez vus, ceux-là, mais c'est les tigénies, c'est parmi les pires. Quand on facilite, lorsqu'on étudiera les différentes sectes, là, subhanallah, les tigénies, a'oudou billah, c'est les pires. C'est les pires. D'ailleurs, elle n'est pas permise, la salade derrière un soufi tigénie. A'oudou billah. Donc, porter des choses qui déconcentrent et qui attirent le regard, comme un objet lourd et coloré. Et poser les mains sur les hanches, c'est un acte détestable. Poser les mains sur les hanches, acte détestable. Donc, quelques actes. Hein. Donc, il y en a 7 là. Quelques actes annulant la prière. La parole prononcée délibérément, même si elle est infime. Une parole prononcée délibérément. C'est-à-dire... Lorsqu'on dit une parole prononcée délibérément, c'est tout ce qui est en dehors de ce qui est légiféré à dire pendant la prière, d'accord? Le fait de dévier tout son corps de la Qibla. Moi, ce prendre là, c'était genre une mosquée. Il a commencé à bouger, tu vois. Et là, il a commencé à sortir de sa prière. Il voulait gérer mon enfant et il commence à lui dire... Je me suis senti mal parce que j'ai entendu parler et je me suis dit, ouais, t'as pas avoir m'attrape à la fin, elle m'a dit, Mahadji. Mais tu vois, la parole prononcée délibérément, même si elle est infime. Deuxième, le fait de dévier tout son corps de la Qibla. Donc, si tu sais la direction de la Qibla, tu sais parfaitement, vous savez que. La prière est acceptée pour celui qui ne voit pas la Kaaba. Tu as 180 degrés. D'accord? Dans le cas où est-ce que tu n'es pas sûr. Tu fais tes efforts et tu essaies à peu près de trouver la direction de la Qibla. Mais tu as 180 degrés là. parce que toi, tu ne vois pas la Kaaba. Cependant, à partir du moment où tu sais parfaitement, avec ta boussole, exactement, et aujourd'hui, pratiquement tous les téléphones ont une boussole, eh bien, tu sais parfaitement où est la Qibla. Et délibérément, tu ne pries pas en dehors, eh bien, ta prière est invalide. Tu ne pries pas en direction de la Qibla, alors que tu sais parfaitement la direction, eh bien, ça invalide. Donc, les flatulences, donc c'est-à-dire les lâcher des gaz, hein, et tout ce qui nécessite l'ablution ou l'ablution majeure. Donc, celui qui a eu des flatulences, pour un langage un peu, hein, d'accord, qui a lâché un gaz durant la prière, il ne faut pas qu'il se dise « non, c'est bon ». Ah oui, c'est ça. Subhanallah. L'imam Ibn Qayyim, rahimahullah, que l'on nous en préserve, a rapporté dans tout ce qui mène au châtiment de la tombe, notamment il avait l'écoute de la musique, etc. Et puis il avait mentionné faire la prière sans les ablutions. C'est une des causes du châtiment de la tombe. A'oudou billah. Mais si, imaginons, ça arrive. Par exemple, je sais pas, t'es en prière, ça t'arrive. Tu sors de la prière. Tu sors de la prière. Parce que j'ai une fois, j'étais à côté d'un frère qui est sorti. C'est peut-être pour ça. Ouais. Il est parti. Mais tu peux pas savoir. Ça m'a choqué. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait? Ah non. Coup, si ça arrive, tu sors. Si ça arrive. L'imam, il est sorti de la prière. Ben oui. Donc là, tu sors de la prière. L'imam, il n'a pas le droit de dire, ben non, imagine, ils vont dire, regarde, il a lâché un gaz. c'est on n'est pas des extraterrestres, tu comprends ce que je veux dire. Quand on fait la salat et qu'on a oublié, on va dire, on n'avait plus nos ablutions, on pensait les avoir. Ouais, et une fois que tu t'en rappelles, tu recommences ta prière. Tu t'es rappelé, en fait, ah, j'avais pas les ablutions, tu recommences ta prière, t'es obligé. Par contre, tu es dans la prière. Alors le prophète, les sahaba ont questionné le prophète. Parce que vous savez que tout doit être basé sur la certitude. Il ne faut pas avoir de doute. Soit tu as perdu tes ablutions, soit tu ne les as pas perdues. Donc, ils ont dit, mais parfois on n'est pas sûr. Alors il leur a répondu, eh bien, soit tu entends un bruit, ou soit tu sens une odeur. Sauf si tu sais parfaitement que tu as lâché un gaz, quoi. Mais si tu n'es pas sûr, tu n'as pas entendu de bruit, tu n'as pas senti d'odeur, tu continues ta salette. Mais si tu es sûr que tu as lâché un gaz, donc tu sors. Tu es obligé de sortir. Tu ne continues pas et tu dis, je vais la recommencer une fois que j'ai terminé, parce que sinon ils vont dire je sais pas quoi. Tu pries pour Allah, tu ne pries pas pour les gens. Tu vois? Donc l'acte d'adoration, ton intention, c'est que tu le fais pour Allah. Donc si tu veux terminer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu... souhaite quelque part que les gens te... Oudou billah. D'accord ? Non. Ouais, mais après, tu dis, ouais, mais subhanallah. Donc, tu préfères ne pas avoir honte et avoir une cause du châtiment de la tombe et sortir comme ça et continuer. Non, et puis, subhanallah, que... Oudou billah. Est-ce que la prière des deux la prière des... De ceux qui la suite. Ah, oui. Alors, oui. Alors, maintenant, l'imam perd ses ablutions. Donc il dirige la prière. Il perd ses ablutions. Ou il s'est rappelé qu'il n'avait pas ses ablutions. Il sort de la prière. D'accord ? Il sort de la prière. Parce que s'il le fait, eh bien il pêche. D'accord ? S'il le fait, s'il continue à prier alors qu'il n'avait pas ses ablutions, il pêche. Mais la salade de ceux qui sont derrière est valide. D'accord ? Mais maintenant, c'est-à-dire que donc l'imam, il prie, il perd ses ablutions, il s'est rappelé qu'il n'avait pas ses ablutions. Il sort de la salette et celui qui est derrière lui s'avance et continue la prière. D'accord. Continue. Ouais. Non, mais dire celui qui fait la scène, si, comment dire, là, l'imam a perdu les ablutions, le dos. Voilà, c'est lui qui va continuer. Voilà, c'est lui qui a fait la scène, qui continue. C'est le haït, excellent. Et en plus, mon pied est coincé. Si c'était une prière à haute voix et qu'il était en train de faire la fatiha. Eh bien, il continue. Il reprend la fatiha. Alhamdulillah, Rabbil Alameen, Ar-Rahman. Il fait un takbir d'entrée ou pas? Non, il continue la prière sans refaire le takbir d'entrée. Tu dois être dans la continuité. Tu comprends? Dans la continuité. D'accord? Donc, on avait vu les actes annulant la prière, la parole prononcée délibérément même si elle est infime, le fait de dévier tout son corps de la qibla, les flatulences et tout ce qui nécessite l'ablution ou l'ablution majeure, les mouvements nombreux et consécutifs qui ne sont pas indispensables, ça annule la prière. D'accord ? Mouvements nombreux et consécutifs, ça annule la prière. Ceux qui ne sont pas indispensables. Vous savez que pendant la prière, il faut éviter de fermer les yeux. D'accord ? C'est pas un acte détestable ? Deux. Fermer les yeux. Rester à fermer les yeux comme ça longtemps en pensant que voilà, c'est mieux. Parce que le problème, il est dans ces mieux. Tu vois, dans ces mieux. C'est-à-dire la question, est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fermait les yeux durant la salette ? Donc, ça n'est pas été rapporté sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il fermait les yeux. D'accord ? Mais que c'était, tu observes l'endroit de ton soujoud, ce qui est recommandé. Et si l'individu dit que c'est mieux de fermer les yeux, donc il faut qu'il ramène une preuve. Il ne dit pas que c'est mieux, il dit que c'est mieux pour moi. C'est pas mieux, mais parce que c'est si, plus facile pour moi. C'est plus, c'est-à-dire que tout le bien est dans le suivi du prophète. C'est ça le piège, en fait. C'est ça le piège, tu vois. C'est-à-dire que l'individu, il pense que... Mais je pense que... je me concentre mieux, j'y arrive mieux pour moi personne. Mais Allah Azza wa Jalla dit dans Surat Al-Ahzab, ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخير من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Il n'appartient pas à un croyant ou une croyante, si Allah et son messager ont ordonné d'une chose, il ne leur appartient pas à dire d'avoir le choix qu'ils veulent. Voilà, et quiconque désobéit à Allah et son envoyé s'est égaré d'un égarement évident. Donc, il est permis, les mechers, les savants ont dit qu'il est permis de, par exemple, pour quelques secondes, de fermer les yeux pour te reconcentrer. Tu vois, pour te reconcentrer quelques secondes. Mais c'est pas, tu vois. Parce que tu vas commencer à ouvrir hein, des pensées à des choses. Hein, que tu vas commencer à t'imaginer, etc. Et ça, ça ne fait pas partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de fermer. Par contre, de fermer les yeux. Par contre, si par exemple quelque chose te gêne dans l'œil, tu vois, pour éviter de faire comme ça, et de frotter l'œil. Donc, tu peux fermer l'œil, là, dans le cas, où est-ce que s'il y a quelque chose, par exemple, qui te gêne dans cet œil-là, par exemple. D'accord ? C'est vraiment dans les cas où est-ce que... D'accord ? L'éclat de rire, même infime, annule la salette. Celui qui fait comme ça. Éclat, c'est qu'il s'entend. Ah, il se met à rire. Il doit s'entendre. Oui, ben ça, c'est l'éclat de rire. C'est celui qui sourit. Même infime. Celui qui sourit. Non, le sourire, on ne parle pas de sourire. Par exemple, quelqu'un qui, justement, qui essaie de retenir un éclat de rire. Non, c'est-à-dire qu'on n'a pas entendu. On n'a pas entendu. C'est-à-dire, il a souri, par exemple, d'accord ? Il y a eu l'acte. Mais s'il a fait. comme ça. Et bien là, ce qu'il y a, c'est que la prière est invalide. Donc, tu vois, ou bien rire comme ça, tu vois. C'est... Ah non, mais comme ça. Il y a des enfants qui et ça peut faire rire. En fait, le fait de se retenir, on sourit, ça n'annule pas. Le fait de sourire n'annule pas la prière. Non, on ne parle pas le fait de sourire. C'est l'éclat de rire, même infime, tu vois. C'est-à-dire, il y a un bruit qui se. C'est sourire. C'est, par exemple, je ne sais pas, tu récites une sourate qui parle du jenna et tu es heureux, du coup, tu souris. Enfin, c'est un réflexe, tu ne le fais pas exprès, du coup, c'est autorisé ou. Non, mais c'est-à-dire ce qu'il y a, c'est qu'à chaque fois, tu vois, lorsque par exemple il y a quelque chose qui te passe par la tête, qui te fait rire ou quoi que ce soit, tu vois, directement tu te remets en tête que là, t'es subhanallah, tu sais pas si c'est ta dernière salette, et que Allah Azza wa Jal est en train de t'observer là pendant que tu es dans cette prière là. Et quelque part tu te remets en place un peu comme ça, tu vois, pour essayer de corriger ça. Rajouter une inclinaison, une prosternation, une station debout ou assise délibérément. Donc ça annule la salette. S'il a rajouté une raka ou un sujoud. Donc s'il a fait tout cela, mais il a fait le taslim et il s'en est rappelé au bout d'un certain temps, il est obligé de recommencer la salette. Donc ça annule la salette. D'accord ? On ne parle pas de il a rajouté une raka. Et il s'en est rappelé qu'il a rajouté une raka, donc Là, lorsqu'il a rajouté, une fois qu'il a fait le taslim, il rajoute deux prosternations de distraction. Parce que tu fais trop de bruit, c'est pour ça. Précéder l'imam, Hassan de Mohammed. Précéder l'imam délibérément. Si on a oublié, on est à quel raqa, on fait quoi? Ah. Et aussi, on peut faire. Non, justement. Si tu as oublié à quel raqa t'en es, donc tu te bases sur le minimum. Tu te bases sur le minimum. Et après, tu rajoutes une. Et voilà. C'est-à-dire, tu te bases sur le minimum. C'est-à-dire que si tu sais plus si tu en as fait 3 ou 2, d'accord, tu te bases sur 2. Et tu comptes à partir de 2, et après, tu fais 2 prosternations, 2 distractions. Pareil, voilà, tu vas tout le temps sur le minimum. Et le fait de précéder l'imam délibérément, ça annule. Mais c'est énorme, ça. Allez, qu'est-ce que tu veux leur dire à ce moment-là? Comme ça. Non, attendez. Bah, moi, là, des fois, je vois souvent, mettons qu'on va même les récites. Et dès qu'on va dire que le stabot, après, quand ça va commencer à baisser, Il est, voilà, directement. Il y en avait un, je m'en souviens. Non ? Je te dis Amin avant. Donc, faut pas, ça, c'est pas correct de dire Amin avant l'imam. Parce que le prophète Sarasel m'a dit que. L'imam, yani, il doit être suivi. L'imam doit être suivi. Donc, il n'est pas autorisé de dire Amin avant ou en même temps. Ah oui, de me céder. Il dit Amin. Non, c'est pas. Non, mais Amin. Oui, oui, ça c'est autre chose. Donc, parle de son frère, c'est pour ça Amin. Donc, tu dois dire Amin. Lorsque l'imam commence à dire Amin, toi tu dis Amin. D'accord ? Donc, il y en a qui ne disent pas Amin. Mais la sunna, c'est de dire Amin à voix haute. Et c'est ce qui fait notamment. Hein, c'est ce qui fait énerver les kofars. Le fait qu'ils entendent les musulmans dire Amin. Le nombre. Subhanallah. Et le fait de. Et il ne faut pas chercher à le faire à l'unisson d'ailleurs. Dire Amin. Amin. Tout le monde le recherche ensemble, tu vois. C'est, tu le fais, tu dis Amin tout seul, t'as pas cherché à. Tu dois le faire Amin tout seul. Toi, t'as à peine qu'il commence à dire Amin l'imam, une fois qu'il l'a dit, comme ça tu le précèdes jamais. Donc, précéder l'imam délibérément. D'accord ? Ça annule la prière. Il y en avait, l'imam, il a même. Yani, il allait commencer à descendre en soujoud, l'autre, il est déjà descendu. Quoi. Et celui qui délibérément le fait délibérément. Se lève avant l'imam, précède l'imam délibérément, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a menacé ce genre de personnes que Allah azza wa jal changera leur tête en âne. Subhanallah, en âne. Yani, après, Allahu a'lam, yani, la signification de cela. C'est vrai, je renseigne les gens, je regarde. Et la tête d'un mais il faut faire attention. Hein. Donc, Allah al-Musta'an. Donc, je pense que là, ça va faire. Il est 18. Je pense que ça va faire 1h15. C'est ça. 1h10. Donc, on va s'arrêter là. Sinon, donc, on a fait les actes détestables, annulatifs. On a fait les obligations. D'accord ? C'est détestable à faire. C'est-à-dire que ça n'annule pas la prière. C'est ce qui est contraire à ce qui annule la prière. Ça n'annule pas la prière, mais ça diminue en termes. Voilà, ça diminue en termes de récompense. C'est comme ceux qui ne prient pas les mains, la main droite sur la main gauche sur la poitrine. Ceux qui ne prient pas comme ça, ça n'annule pas leur prière, mais la récompense elle est moindre et la prière est moins complète. Ça peut amener à annuler la prière si, admettons, le geste il est répétitif. Répétitif en les mouvements, tu vois. Admettons, par exemple, le bouger la tête, c'est un acte détestable. Alors, oui. Si la personne, elle bouge la tête. S'il fait tout le temps, ou il se retourne, ou il commence à faire. En fait, et on va y aller. C'était une obligation. De dans pratique, c'était une obligation. Ils ont reçu l'ordre de le faire. Non, mais ils ont reçu l'ordre de le faire. Et nous avons été ordonnés de poser la main droite sur la main gauche. D'accord ? Cependant, barakallahu fik, ça fait partie des sunan. D'accord ? Ça fait partie des sunan. Mais celui qui ne les fait pas, la récompense est moindre, sa salat est moins complète. Mais on dit qu'elle est quand même valide. Et c'est des regrets après le jour de la résurrection à celui qui n'applique pas les sunan. C'est ça le problème. D'accord ? Ouais. Le fait de prier à haute voix pour les prières à haute voix, non. C'est quoi ? C'est une obligation ou pas ? Alors, ça c'est quoi ça ? Prier à voix haute ou à voix basse ? C'est quoi qu'on peut faire ? C'est un pilier ? Réciter à voix haute ou à voix basse ? Une sunna, barakallahu fik. C'est une sunna. C'est-à-dire que si t'es chez, si je sais pas moi, tu travailles, d'accord ? Et l'heure du maghrib, tu pries à voix basse, d'accord ? Ta prière elle est valide. On est d'accord ? Et par exemple, celui qui s'oublie, il n'a pas de. Non. Et par exemple, il y a une raison où il a envie de ne pas faire plus, il n'a pas. Non, la prière, elle est valide. Il n'a pas à rajouter quelque chose. La... Non. C'est-à-dire qu'il a. Par exemple, il n'a pas à faire deux fois sa avant le fait. Non. Non, parce que c'est une sunna. Ça récite à voix haute ou à voix basse, c'est une sunna. Cependant, la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'était de faire à voix haute lors du fajr, lors du maghrib et lors du isha. D'accord, les deux premières rakas de chaque. D'accord. Donc à voir. D'accord, donc on va continuer inchallah la semaine prochaine sur les prosternations de distraction et puis on aura clos sur tout ce qui est description de la prière. Et ensuite, on rentrera dans l'explication maintenant du hadith concernant la prière avec d'accord. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu et obligation là et même celui qui a fait la zen qui passe celui qui est derrière l'imam hein, celui qui a déjà fait comment dire la zen et l'imam il a oublié les ablutions celui qui a fait la zen il part mais si non il va devant oublié. Pour diriger la prière.